me regarde pas de travers. Tu t'écrases si tu traverses. Tu me juges sur mon paraître. Je m'en bats les couilles, je vais disparaître. Je suis un homme, j'ai qu'une parole. Et vaut cher comme les puits de pétrole. Pas question d'inverser les rôles. T'es qu'une petite pute, tu meurs, je rigole. Je m'en veux que quand j'arrête la salade. Je prends le rappel même quand je rabatte. Ce putain de game, je veux qu'il ralasse. Sors les femmes, on sort le famas. Je fume le shit, j'oublie que je suis platine. J'ai le cœur qui sort de la poitrine. Ils aimeraient que Kassim cantine. Ouais, ils aimeraient que Kassim cantine. Chapeau de paille, cigare au baléa. Sa mère, je crasse de la moula. Ils nous aiment pas, nous non plus, on les aime pas. On leur crache des gros mots. Leur coffre, c'est les mêmes qui font le halala. La zone te reconnaîtra. Coffre, c'est les mêmes qui font le halala. La zone te reconnaîtra. La gentillesse, ça paye pas, pourtant tout s'achète. Même si tout le monde est contre toi, frérot, je te lâche pas. Entre ne pas baler le cœur, y'a quelques centimètres. La femme à Johnny me rappelle pourquoi je ne m'attache pas. Ne le sers pas, moi perso, je ne le sens pas. Ils nous aiment pas, nous non plus, on les aime pas. Je ne cède pas, t'inquiète, maman, je saigne pas. Ils nous aiment pas, nous non plus, on les aime pas. Ne le sers pas, moi perso, je ne le sens pas. Ils nous aiment pas, nous non plus, on les aime pas. Je ne cède pas, t'inquiète, maman, je saigne pas. Ils nous aiment pas, nous non plus, on les aime pas. Le charbonneur fait passer son produit, c'est le gérant qui paye. Laisse-moi que je récupère. Deux, trois me harcèlent de guerre et m'habitent si je perds. Oui, mon amour, tu veux la vue sur la mer, mais j'ai la vue sur la mort. Oui, mon ami, tu veux me la faire à l'envers. Tu veux nous mettre à l'amende, mais c'est impossible. Alors tu voulais 20%, frère, tu vas morfler pour ça. J'ai 20k dans le caleçon, je vais miser sur le Barça. J'ai des guitares, mais je suis pas musicien. Je vais disparaître, mais je suis pas magicien. Je fais pas de bruit comme s'il est silencieux. Ne t'inquiète pas, comme s'il assume les siens. Hey, RG m'a dit, t'inquiète pas, je suis là. Mais n'oublie pas la sunna. Et quand tu fais la moula, tu te fais capter par la police nationale. Wow, on va où comme ça? J'ai quitté le check, t'avais trop de lobe, ça. Marseille, t'as reconnu l'accent. Dis-leur que bientôt ils vont nous l'air ça. Sur la mec. La gentillesse, ça paye pas, pourtant tout s'achète. Même si tout le monde est contre toi, frérot, je te lâche pas. Entre le pare-balles et le cœur, y'a quelques centimètres. La femme à Johnny me rappelle pourquoi je ne m'attache pas. Ne le sers pas, moi perso, je ne le sens pas. Ils nous aiment pas, nous non plus, on les aime pas. Je ne cède pas, t'inquiète, moi.